Vous aimez l'histoire? Vous voulez transmettre cette passion à vos enfants, à vos petits-enfants? Alors entrez dans la bibliothèque à remonter le temps. La nouvelle collection que vous attendiez. Les plus grands historiens, des ouvrages clairs, courts, illustrés, qui racontent notre passé pour donner sens à aujourd'hui et à demain. La bibliothèque a remonté le temps, l'histoire pour tous, aux éditions du Cerf. Premier tome paru, le néolithique, les vikings, les dieux égyptiens, de Gaulle. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Éthiopie médiévale au carrefour des croyances. Présenté ainsi, soudainement, le sujet semble un tantinet ardu. Et pourtant, l'Éthiopie médiévale porte une histoire sensationnelle. Et osons le dire, une histoire qui est présente dans notre imaginaire. Salomon, la reine de Saba, Ménélique, le Négus, le prêtre Jean, le royaume d'Aksum, les églises taillées dans la roche. Direction l'Éthiopie médiévale. Dis-moi, Griot, toi qui sais tout, peux-tu m'expliquer ce qu'on appelle une dynastie? Tu emploies des mots bien savants. Tu as bien entendu parler de l'Égypte et de l'Arabie. Ah oui, et entre les deux, il y a une mer étroite comme un vaste canal et qu'on appelle la mer Rouge. C'est ça. Et bien au sud de l'Égypte, il y a un immense pays montagneux. C'est lui qu'on appelle l'Éthiopie. Ah, c'est une histoire merveilleuse. Et si tu le veux, ce sont mes génies qui te la raconteront. Et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, ce sont des génies qui vont nous raconter cette histoire de l'Éthiopie médiévale. Bonjour Anaïs Vion. Bonjour. Bonjour Martina Ambou. Bonjour. Dites-nous toutes les deux, ça a un sens de dire Éthiopie médiévale? Parce que la notion de médiévale renvoie à celle de Moyen-Âge. Et Moyen-Âge, on connaît bien pour l'Occident des limites chronologiques qui valent ce qu'elles valent. Pour l'Éthiopie, ça a un sens, oui? Tout à fait, oui, ça a un sens, parce qu'il faut bien mettre des mots sur les périodisations, et que, en termes de sources, par exemple, c'est assez comparable à ce que les historiens et les historiennes utilisent pour le Moyen-Âge occidental, donc beaucoup de sources manuscrites, notamment. Et pour le Moyen-Âge occidental, la date prise souvent comme étant le début, c'est la chute de l'Empire romain. Allez, on dit 476 parce que ça fait plaisir, même si on sait bien que tout ça est plus une construction intellectuelle. Martina Ambou, pour l'Éthiopie, ça a un sens, la chute de l'Empire romain? Je pense pas, moins quand même. Ça ne l'a pas, parce que on peut bien parler de plutôt antiquité tardive pour l'Éthiopie, qu'on peut nommer dans le milieu comme période aksumite, donc qui coïncide au IVe siècle avec la conversion du royaume d'Aksum au christianisme, et qui s'étend de manière un peu arbitraire jusqu'au VIIe siècle, au moment de la soi-disant chute du royaume aksumite et la transformation des équilibres politiques des hauts plateaux érythréens et éthiopiens. Ah, la christianisation, ça, c'est un élément important, vous nous dites, au IVe siècle. Oui, en effet, c'est selon ce qui est écrit dans plusieurs encyclopédies ecclésiastiques du IVe et Ve siècle, écrites en grec et en latin, qu'on connaît l'histoire plus ou moins légendaire de la conversion du royaume par un Syrien, Frumence, qui aurait converti la cour des rois et qui serait allé demander au patriarche d'Alexandrie, en Égypte, l'autorisation de devenir l'évêque de ce nouveau diocèse converti. Anaïs Vion, parce que l'Empire romain se convertit très bien à partir du moment où l'empereur se convertit. Ici, avec l'Éthiopie, nous sommes où? Nous ne sommes pas sous domination romaine, c'est un royaume. Tout à fait, c'est un royaume indépendant, c'est un royaume très puissant qui dans certaines sources était l'égal du royaume romain. Et Martina mentionnait des sources externes, mais en fait il y a aussi des sources éthiopiennes qui montrent qu'au IVe siècle, un roi s'est converti au christianisme. Ses monnaies et des stèles épigraphiées qui racontent ses victoires montrent que à un moment il a senti le besoin de changer de religion, et ça se passe un petit peu en fait avant la conversion au christianisme de Constantin. Donc on est vraiment dans une période dans la zone où on sent que la religion chrétienne va devenir une religion qui est une alliée du pouvoir politique. Quel plaisir de discuter avec des historiennes qui tout de suite mettent en place la notion de source, parce qu'on ne discute pas d'histoire sans parler des sources. Mais c'est vrai que c'est vraiment important. Les sources ici que vous évoquez, ce sont des sources de tout type, hein, on le sait bien, parce qu'il faut croiser l'ensemble des documents que l'on peut trouver. Des sources écrites nombreuses? En effet, est varié. Donc, on se sert pas mal des manuscrits, comme Anaïs mentionnait tout à l'heure. On a aussi un petit corpus épigraphique datant de la période dite aksumite et post-aksumite, un peu plus limité. Et on se sert aussi de la numismatique. Bref, on peut convoquer une pluralité de sources qui sont parfois un peu difficiles à traiter, notamment parce que, en ce qui concerne l'époque aksumite, notamment en termes de manuscrits, on en a très peu. On en compte trois, les fameux célèbres évangiles de Abba Garima, qui dateraient selon certaines datations du VIe siècle. Mais c'est surtout à partir du XIIIe siècle que notamment la production manuscrite devient de plus en plus consistante. Avec évidemment, à côté de toutes ces sources écrites de tout type, vous avez parlé de la monnaie. C'est vrai que les pièces, ça donne des renseignements considérables. Il y a bien sûr l'archéologie. Dans l'archéologie éthiopienne elle-même, oh, il y a beaucoup à faire, la préhistoire. À l'heure actuelle, en Éthiopie, nos collègues travaillent dans la vallée de l'Omo, et vous savez comment Coppens a trouvé là des vestiges extrêmement anciens. Il y a ensuite alors les monuments proprement aksumites que Anfray est en train de dégager. Monuments aksumites, puis ensuite du début de l'époque chrétienne. Ce sont des temples. Ce sont des temples, effectivement, des habitations. À Matara, par exemple, Anfray a dégagé quatre énormes telles avec des séries de constructions prestigieuses, en retrouvant un matériel qui, à l'heure actuelle, fait la gloire du musée d'Addis Abeba. Et enfin, alors là, il y a toute l'Éthiopie chrétienne. Il y a quatre ans, arrivant en Éthiopie, j'apprenais que, dans les semaines précédentes, c'était plus de 120 nouvelles églises qui avaient été mises en évidence, 120 nouvelles églises qui étaient restées jusqu'à présent inconnues, églises taillées dans le roc, dans des positions absolument magnifiques et décorées des peintures qui représentent les influences les plus diverses. En 1971, l'orientaliste, l'égyptologue Jean Leclan qui s'exprimait à propos de l'archéologie en Éthiopie, et ce qui nous permet de rappeler que l'Éthiopie ne naît pas avec le christianisme. Nous commençons l'émission comme ça, on l'a évoqué, il y a un royaume avant. L'histoire de l'Éthiopie, c'est cette histoire millénaire qui nous relie facilement à l'Égypte, hein. C'est ce dialogue-là, Anaïs Vion, qu'il faut mettre en place pour comprendre comment se construit ce royaume chrétien d'Éthiopie. Oui, oui, tout à fait. Et moi, j'ai beaucoup travaillé récemment sur la ville d'Aksum, qui est située tout au nord de l'Éthiopie et qui est un site avec des monuments très visibles encore aujourd'hui. Et donc, il y a des monuments pré-chrétiens sur lesquels, justement, Francis Anfray et d'autres après lui ont beaucoup travaillé, et des monuments chrétiens. Et c'est vraiment le site où on voit de façon très lisible la continuité du peuplement éthiopien et des structures politiques. Cette ville, Aksum, c'est une ville que l'on pourrait lier à toutes ces grandes villes qui ont une histoire millénaire, ou c'est une construction qu'on arrive à dater précisément? Alors, ça, c'est une question assez vaste, la question des villes en Éthiopie, parce qu'il y en a assez peu. Aksum a été abandonné à plusieurs reprises, très probablement, ou en tout cas à la fin de l'Empire aksumite au 7e siècle et surtout au 9e siècle, il y a vraiment un abandon partiel du site, mais du fait de la visibilité des monuments, notamment parce qu'il y a des obélisques qui sont très monumentaux. Il y en a un qui fait 33 mètres de haut, je pense que c'est un des plus grands obélisques du monde. Le site a été réutilisé comme pivot, d'une certaine façon, symbolique de l'ancienneté du pouvoir politique. Et donc, par exemple, les rois d'une dynastie qui s'appelle la dynastie Zagwe, qui a régné probablement du XIe jusqu'à la fin du XIIIe siècle, a réutilisé Aksum pour affermir son pouvoir. Oui, parce que le passé ne disparaît jamais, étant donné qu'il est toujours utilisé pour légitimer un pouvoir. Plus c'est ancien, mieux c'est. Ne pas oublier le passé. Et puis, dans l'archive que nous avons entendu par Jean Leclan, avec l'évocation de toutes ces églises, et là aussi, le patrimoine en Éthiopie, patrimoine religieux considérable, églises, monastères. Oui, en effet, c'est autour de ça que s'est concentrée l'archéologie franco-éthiopienne de dernières années. Je mentionne notamment les fouilles menées par Marie-Laure Dera dans le Tigré, qui est cette région où se trouve d'ailleurs Aksum, où encore aujourd'hui on peut voir les vestiges, voire des monastères encore bien entiers, où s'est diffusé le christianisme dans une seconde phase de christianisation des hauts plateaux éthiopiens. Et c'est là qu'on peut véritablement parler de Moyen-Âge éthiopien, qui peut se diviser en deux grandes phases. Donc le premier Moyen-Âge, qui est celui de l'époque dite Zagwe, donc qui correspond au nom de la dynastie au pouvoir, qui non seulement fonde des nouvelles églises dans des nouveaux territoires, qui sont les territoires plus centraux des hauts plateaux éthiopiens, mais qui donne des donations et tente de promouvoir ces sites qui étaient déjà chrétiens depuis au moins le 6e ou 4e siècle, donc dans le Tigré et dans les hauts plateaux méridionaux de l'Érythrée actuelle. Je pense notamment à Debre Damo, je pense à Debre Libanos de Ham, qui est un des centres majeurs du christianisme dans la région et qui nous permet de consulter encore aujourd'hui des archives très précieuses, qui sont des actes de donation foncier, voire même des sentences, des actes d'assemblée de cette communauté monastique très puissante, sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, notamment dans le cadre de ma thèse, au sujet, par exemple, de la réglementation interne des monastères de l'Éthiopie médiévale, selon les intentions d'un roi du XIVe siècle et d'un métropolite qui était donc le chef de l'église éthiopienne qui s'appelait Salama. Martina Ambou, votre thèse, l'intitulée c'est du texte à la communauté relations et échanges entre l'Égypte copte et les réseaux monastiques éthiopiens XIIIe siècle, XVIe siècle, avec la question de la matérialité de ces documents dont vous parlez. C'est quoi comme support? C'est du parchemin? C'est du papyrus? C'est quoi? Ah non, c'est des parchemins. C'est la particularité, disons, des manuscrits éthiopiens, c'est que de ce qu'on a, à moins à partir du XIIIe siècle, comme je vous disais, avant le XIIIe siècle, il y a très peu, malheureusement. C'est des manuscrits sur parchemin. Donc, je crois que devant moi, j'ai la spécialiste de l'archivistique et de la diplomatique éthiopienne qui pourra peut-être l'expliquer mieux que moi. Les manuscrits sacrés, donc tout ce qui est évangile, octatoque, etc., peuvent contenir leur sein tout un tas de micro-textes qui sont des archives. Anaïs Dion, vous êtes historienne et chargée de recherche au CNRS, à l'Institut des Mondes Africains, sur ces manuscrits. C'est vrai que l'Éthiopie a produit énormément de documents qui servent aujourd'hui encore aux historiennes, aux historiens. Oui, tout à fait. Donc, comme le disait Martina, une des spécificités de la production et la conservation d'archives en Éthiopie, c'est qu'ils ont été conservés dans les bibliothèques. C'est-à-dire que ce sont souvent les manuscrits sacrés et liturgiques, c'est-à-dire les plus gros, les plus précieux, qui servaient à noter dans les espaces laissés en blanc des textes fondamentaux pour les communautés, qui peuvent être des chartes de donation de terres, des octrois de privilèges, et puis des réglementations internes à ces institutions, que ça concerne la façon de prélever les impôts ou des règles internes pour la bonne marche des institutions. Et ça a permis une longévité de la conservation de ces archives, puisque ces manuscrits étaient des manuscrits très solides et très prisés par les communautés. Et ça permettait aux documents pragmatiques, qui ensuite deviennent des archives, en voisinant avec les textes sacrés, d'acquérir une forme de sacralité eux-mêmes et de garantir leur conservation. Et puis quand un nouveau évangéliaire, par exemple, un nouvel évangile était copié, eh ben on recopiait les textes d'archives dans ce nouveau document. Et c'est en partie ce qui a permis qu'on ait aujourd'hui des textes du XIIIe, des textes du XVe. Beaucoup d'images dans ces documents? Alors, dans les documents d'archives, aucune image. Mais par contre, dans les manuscrits eux-mêmes, oui, bien sûr, il y a des manuscrits enluminés magnifiques. Ah oui, c'est sensationnel. Quand on regarde, et il n'y a qu'à taper sur Internet, ces manuscrits médiévaux venus de l'Éthiopie, on voit ces images exceptionnelles qui souvent ne sont pas représentative de l'ampleur de la production de l'écrit. Ce sont beaucoup de textes, des textes faciles à lire. Alors, il faut faire quelques années d'études quand même. Alors oui, la langue, elle est éthiopienne ou gaise, c'est le nom anglaise du coup, de la langue éthiopienne, et qui est une langue, comparée à l'arabe, plus facile, mais c'est quand même une langue sémitique, donc qui a plus ou moins les mêmes principes linguistiques, grammaticaux que d'autres langues qui peuvent s'apparenter au gaise, comme le syriaque, l'arabe, etc. Et c'est une langue qui, disons, commence à disparaître comme langue vivante déjà à partir du XIIe, XIIIe siècle, pour être remplacée dans le langage courant par des langues vernaculaires, comme l'amharique, le tigrinya et d'autres. Mais le gaise reste la langue liturgique et administrative du royaume chrétien d'Éthiopie jusqu'au moins XIXe siècle. Ah oui, donc impossible de passer à côté quand on veut étudier ces documents. Étudions-le, le gaise. La langue gaise est une langue liturgique. Et que répond à l'éthiopien parlé comme le latin au français? Pour la langue parlée en Éthiopie, il faudrait dire plutôt les langues, car il y a une dizaine de langues vernaculaires. Cette langue liturgique est formée de 267 signes. Et ces signes sont syllabiques, c'est-à-dire que chaque signe représente une consonne suivie d'une vocalisation. Et quand je vous ai dit, pour vous éblouir, qu'il y a 267 signes, eh bien je me hâte d'ajouter qu'il n'y a que 27 lettres à proprement parler qui subissent des modifications pour avoir les différentes vocalisations. En 1968, l'abbé Bernard Velat, prêtre catholique, qui est chargé de cours et qui professe à l'Institut catholique de Paris, qui professe le gaise, ce qui est quand même peu répandu, personnage incontournable pour l'étude de cette langue dans l'histoire de l'Éthiopie. Anaïs Bion, on parle de l'Éthiopie comme d'un tout depuis tout à l'heure, mais on l'a bien entendu, une grande variété de paysages, de reliefs, c'est pas un tout. Et puis, il faut se départir de l'idée de frontières que l'on a aujourd'hui, l'Éthiopie actuelle, l'Éthiopie du passé. Est-ce qu'il y a, par exemple, si on réfléchit à la langue, quelque chose qui fait cohérence, une homogénéité, où on peut se comprendre, ne serait-ce que par l'écrit, à travers cette langue? À propos du gaise, oui, effectivement, c'est une langue d'érudit, c'est la langue liturgique, et c'est aussi la langue de l'érudition. Et après, la langue qu'on appelle donc la lingua franca du royaume chrétien, ça a été l'amharique, qui est donc une langue en partie éthio-sémitique, et qui était la langue de la cour, et qui a suivi, en fait, et l'évangélisation, et l'expansion du royaume chrétien, puisque le royaume chrétien se sert de la religion orthodoxe chrétienne comme d'un outil de prosélytisme et comme d'un outil de conquête. Oui, c'est ça. Et on peut dire que c'est un peu la même chose qu'avec le latin qui, peu à peu, même si on sait bien que le latin est omniprésent dans notre univers, étant donné que notre langue repose sur le latin, mais que le latin devient une langue liturgique et puis qu'en parallèle se développent des langues de tous les jours, des langues vernaculaires. C'est un peu ce système-là qui se passe avec l'amharique. Je veux l'avoir et je l'aurai. En fait, il y a énormément de langues qui sont parlées en Éthiopie. Il y en a beaucoup qui ont aussi disparu justement dans ce processus d'expansion et du royaume chrétien d'une part, mais aussi de l'islam, qui sont vraiment les deux grandes religions monothéistes qui se sont développées en Éthiopie au cours de la période médiévale et après. Mais on a une vision de plus en plus précise de la grande diversité des formations culturelles, linguistiques et politiques qui se partageaient ce qui est aujourd'hui l'État éthiopien à la période médiévale. Avec l'islam, vous venez de l'évoquer, il y a l'islam qui, par l'Égypte et puis par le nord de l'Afrique, coupe, c'est en tout cas dans une lecture mentale d'une carte, l'idée que j'ai de ce royaume chrétien d'Éthiopie par rapport à l'Occident chrétien. Est-ce qu'il faut avoir cette lecture-là, d'imaginer un royaume séparé à cause de l'islam. Je pense que c'est une vision qui a eu un grand succès parce que on a fondamentalement une vision catholique de l'Afrique de l'Est. Ce royaume isolé, condamné à rester dans cette dimension périphérique du monde parce qu'il est encerclé par des méchants musulmans, bah c'est une idée qu'il faut absolument abandonner, d'autant plus que on commence à voir que et en Éthiopie même, il y a énormément d'interactions interreligieuses, intercommunautaires, qui ont lieu déjà avant le XIIIe siècle, et cela est prouvé par notamment des fouilles archéologiques qui ont été menées dans le Tigré par une équipe de recherche toujours franco-éthiopienne, financée par un projet de recherche européen qui s'appelait URC Horn East. Et c'est dans la découverte des stèles en arabe de communautés musulmanes qui habitaient à côté des sites de la même époque, donc avant le XIIIe siècle chrétien, qu'on commence à comprendre qu'il y avait énormément d'interactions, de vie commune. C'est pas des relations qui sont tout le temps détendues, mais qui existent et qui, en fait, rendent justice à une variété de cultures qui vivaient ensemble. Et la question de l'islam, disons un niveau plus à l'extérieur des hauts plateaux, donc tout ce qui est la Nubie et en remontant le cours du Nil, l'Égypte, c'est une assez compliqué de dire que il y avait des situations d'oppression parce que c'était souvent des musulmans qui, par exemple, conduisaient les pèlerins éthiopiens dans leur long voyage vers la Terre Sainte, vers Jérusalem, et qui servaient de protecteurs, de guides de ces communautés, de ces pèlerins qui commençaient cette longue aventure tout en remontant le cours du fleuve. Et ben voilà, partons en pèlerinage depuis l'Éthiopie vers la Terre Sainte. De ce pays, de nombreux moines ont l'habitude d'aller chaque année en pèlerinage à Jérusalem. Alors que nous, Portugais et Francs, demeurions à la ville de Debarois, une caravane se préparait à faire le voyage. Ils y allèrent ensemble, 336 moines et prêtres, dont 15 nonnes. Ils furent remis à des morts pour les transporter en sécurité. Lorsqu'ils se mirent en route, ces moines voyagèrent très peu, car à l'heure des vêpres, ils firent halte, dressèrent leurs églises qu'ils portaient avec eux et dirent leur messe, puis communièrent. Le lendemain, ils s'en allèrent chargés de nourriture, de calebasses et d'outres. Prenant tour à tour leurs églises, c'est-à-dire les tabots, des pierres d'autel, car les tentes des églises vont sur des chameaux. Ainsi, chaque jour, ils ne faisaient pas plus de 2 lieues. Pour voir leurs coutumes, j'ai voyagé pendant 2 jours avec eux et j'ai vu ce que je raconte. Maïwenn Guinzou, Maïwenn qui nous disait cet extrait du voyageur portugais Francisco Alvarez. Nous sommes au XVIe siècle, mais ça reflète des pratiques bien antérieures. Martina Ambou, c'est quoi cette histoire-là? Alors, on comprend des pèlerins éthiopiens chrétiens qui vont en Terre Sainte, ça va, mais alors qu'ils se baladent avec leurs églises sur le dos. Oui, ce récit est extraordinaire parce qu'il est presque cinématographique, on est d'accord. Alvarez, qui est un chapelain portugais, il a ce regard presque d'ethnographe. Il décide de s'embarquer avec ce groupe de plus de 300 moines, prêtres et moniales dans ce long voyage. Et il se plaint tout le temps de leur lenteur, parce qu'ils marchent lentement et doivent s'arrêter au moins 5 fois par jour pour dire la messe. Et alors, c'est comme il dit Alvarez dans ce récit, en fait, la dimension sacrée, le fait de dire la messe pour les Éthiopiens tient à cet objet qui est le tabot, qui est mentionné par le texte, qui sont les tablettes qui reproduisent les 10 commandements et qui sont consacrés à un saint, une sainte, à la Vierge, etc. et qui font tout le centre, disons, sacré d'une église. Donc l'église comme lieu physique, en fait, surtout pour ces pèlerins qui s'embarquaient dans ce long voyage, n'avaient pas forcément d'importance. Le lieu pouvait être monté et démonté à leur guise. Et c'est le fait de transporter cet objet sacré qui permettait aux pèlerins de pouvoir avoir un moment de recueillement et de sacralité. Ce qui faisait un long temps de pèlerinage, hein, s'il fallait s'arrêter aussi souvent. Oui, tout à fait. Et alors j'ai essayé dans mes études de calculer combien de temps ça prenait. Je n'ai pas encore réussi à comprendre exactement, puisque c'est vrai que cette lenteur est attestée par d'autres sources, notamment éthiopiennes, où l'on mentionne des des étapes tout au long du voyage, en passant par la Nubie, le Rift, la Haute Égypte, etc. Donc c'est très variable et c'était très difficile, mais c'est plus probablement 2-3 mois. Ah oui, c'est assez voilà. Long. Anaïs Dion, on voit bien hein, cette image d'un royaume chrétien éthiopien coupé du reste du monde chrétien. Faut le mettre de côté, il y a ces pèlerins qui passent. Et en Éthiopie même, il y a une présence de musulmans. Alors sans être dans un idéalisme de cohabitation, de religion, tout se passe bien. Malgré tout, il y a une cohabitation de ces différentes communautés. Oui, bien sûr. Cohabitation donc avec des échanges notamment économiques, avec des guerres aussi, hein, bien sûr, sur lequel l'historiographie a beaucoup fait porter l'étude pendant assez longtemps, où c'était une lecture assez privilégiée. Notamment, c'est assez symptomatique que pendant longtemps, ce qui a été accepté comme étant la fin du Moyen-Âge éthiopien, donc qui se situe dans la décennie 1530, c'est le début d'une grande guerre de conquête de l'Éthiopie chrétienne par un sultanat musulman. Aujourd'hui, on revient sur des dates qui seraient aussi événementielles et aussi traumatiques. Mais néanmoins, il faut quand même en tenir compte parce que c'est ce qui a façonné l'historiographie éthiopienne, faite par les historiens chrétiens éthiopiens avant tout, et ça rentre quand même dans la façon de raconter les chrétiens d'Éthiopie se racontent leur propre histoire. Donc il y a à la fois un travail de déconstruction qui est à l'œuvre depuis une vingtaine d'années, qui est très important pour comprendre des choses plus fines et moins antagonistes. Et en même temps, il y a aussi cette mythologie politique que les chrétiens construisent depuis très longtemps. Et ils sont très attachés à construire leur spécificité en tant que chrétiens. Et oui, l'histoire écrite d'un seul regard ne donne pas la vision de l'ensemble et ses subtilités. Anaïs Dion, que vous évoquiez, quelle source étudier dès lors pour sentir cette subtilité, pour essayer de la détecter? Alors, il y a de multiples sources et c'est ce qui est bien aussi avec des travaux plus interdisciplinaires tels qu'on les mène maintenant, c'est que il y a énormément d'archéologie qui a été... de fouilles archéologiques qui ont été mises en place depuis une vingtaine d'années, ce qui a permis d'aller fouiller des tumulus pour comprendre comment fonctionnaient des sociétés qu'on pourrait appeler païennes, en tout cas qui ne faisaient pas partie de la religion du livre, mais aussi de l'archéologie qui a été faite sur des sites chrétiens, notamment à la Libella, par exemple. Donc là, je mentionne encore les travaux de Marie-Laure Dera. Et toute l'archéologie musulmane qui existe depuis plusieurs années et qui vraiment permet de comprendre la solidité et la longévité des structures musulmanes depuis au moins le 9e siècle en Éthiopie. Martina Hambou. Oui, en effet, si je peux ajouter, c'est aussi, une tendance actuelle qui est celle de réévaluer des corpus qui sont déjà publiés. Dans mon cas, par exemple, j'ai eu l'occasion de retravailler sur un petit corpus de la géographie, donc il s'agit de vies de saints, qui parlent de saints du XIVe siècle notamment, qui sont écrites entre la fin du XIVe et le XVIe siècle, donc... Il faut aussi remettre en contexte la question des réécritures des hagiographies. Mais c'est dans ces textes-là qu'on peut commencer à voir, avoir la vision chrétienne de l'islam. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est dans ces textes que l'on peut comprendre qu'il y a des interactions, des tentatives plus ou moins violentes de conversion de musulmans et vice-versa. Et qui pourraient aussi, par la suite, des recherches, donner des résultats assez étonnants si comparés avec les résultats archéologiques qui sont en cours grâce à ces nouveaux projets interdisciplinaires, comme disait Anaïs Bion. Oui, et puis ces chrétiens ont réussi à marquer par leurs écrits, toute une histoire qu'ils ont voulu porter, mais pas seulement par les écrits, par les constructions aussi. Comme toutes les 11 églises de la Libella, Beit Medhan Alem est taillé dans le tuf volcanique rouge. Et dans les murs de cette enceinte, il y a des caves qui, pendant un long temps, abritaient les os et les squelettes des prêtres qui sont nés et morts ici. En 1954, les Italiens ont enlevé ces squelettes pour mieux les préserver. Et aujourd'hui, il y a les plus dévots, les ermites, qui viennent vivre dans ces caves. Il y en a une dizaine devant moi, taillées dans cette tuf volcanique rouge. Le site de La Libella présenté sur Radio France Internationale en 1999. Anaïs Dion, ça ressemble à quoi ce site? C'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc on arrive sur le site de La Libella et alors pas toutes les églises, mais la plupart des églises ont été excavées depuis le massif. De basalte, en fait, on dit du tuf, mais je suis pas. Non, c'est du basalte. C'est du basalte, ouais, du basalte rouge, qui a cette spécificité d'être assez tendre quand il est excavé au tout début, donc quand ça n'a pas été encore au contact de l'oxygène. Et c'est l'oxydation qui va le rendre ensuite beaucoup plus dur, même si finalement ça reste assez fragile et c'est un site qui a eu besoin d'être protégé du soleil et de la pluie pour ne pas trop s'abîmer. Et donc, voilà, il y a tout un système de... On rentre par des corridors, des allées, dans des églises qui s'ouvrent les unes sur les autres. C'est absolument somptueux. On est sous terre, c'est ça? On est de toute façon sous le niveau du plateau. Et ce qu'ont très bien montré, donc il y a un très long projet de recherche qui a été mené par Marie-Laure Derat, François-Xavier Fauvel, Claire Bosque-Thiessé, entre autres, pendant une dizaine d'années. Et donc eux, ils ont montré que ce site était un site troglodyte depuis très longtemps, depuis avant l'arrivée du christianisme, et que petit à petit... Le site s'est enfoncé sous terre et ces premiers sites troglodytes ont été transformés pour faire des églises et des bâtiments qui n'étaient peut-être pas des églises à l'origine. Ce sont des églises. Qu'en est-il des monastères? C'est une question très compliquée. Alors, parce que la vision qu'on a en Occident du monastère, qui est un lieu fermé où tous les moines résident ensemble, dorment ensemble, mangent ensemble, prient ensemble, pour le monde chrétien oriental et éthiopien en particulier, est peut-être inexact. Il faut dire aussi que l'archéologie monastique n'a pas trouvé vraiment des issues en fait en Éthiopie. On connaît très peu à quoi ressemble l'aspect d'un monastère typique en Éthiopie. On peut dire que c'était probablement un site qui avait en son centre une église où les moines pouvaient se recueillir une fois par semaine au moins, et ou au moins pour les grandes occasions, et que le monachisme, les moines eux-mêmes pouvaient avoir, disons, des femmes de spiritualité très différentes. Donc souvent ils habitaient éloignés les uns des autres. Il y en avait aussi une catégorie qui est celle des solitaires, des anachorètes, qui vivaient à l'écart des autres, et c'était considéré comme une marque de qualité du combat spirituel d'un moine ou d'une moniale d'ailleurs, et qui vivaient du coup à l'écart et souvent ne participaient pas activement à la vie communautaire. Donc c'est des formes de spiritualité qui sont différentes de celles qu'on connaît évidemment pour la France ou l'Italie, je pense, et qui donnent toute une richesse et qui sont encore des dimensions explorées par l'historiographie. Disons, un des points sur lequel il faudrait continuer à travailler, celui des règles et des ordres religieux véritablement en Éthiopie, qu'on connaît encore peu. Le peu qu'on a pu identifier, c'est des corpus normatifs de règles et d'autres, aussi des professions de foi, de prise de l'habit, qui peuvent être un tout petit peu dérivés de tous les corpus textuels qui ont été traduits de l'arabe anglaise au Moyen-Âge, et ou qui sont des formulations internes, par exemple des règles qui peuvent émaner de la figure de l'abbé, qui décide de la conduite morale disciplinaire véritablement du couvent sous son autorité. Par exemple. Quel lien avec ce qui peut se passer ailleurs dans le monde chrétien? Pas seulement dans l'Occident avec ce patriarche qu'il a remporté sur les autres, qui est le pape. Il y a d'autres patriarches quand même dans ce christianisme-là. Cette église éthiopienne évolue seule ou sans cesse en lien avec les autres? Le plus proche, chez qui? C'est le patriarche, c'est en Égypte. C'est le patriarche d'Alexandrie qui est le chef de l'église éthiopienne jusqu'à l'autocéphalie, donc à l'indépendance de l'église éthiopienne en 1959. Donc, disons que les grandes lignes de cette longue histoire, longue histoire culturelle et institutionnelle qui relie l'Éthiopie chrétienne en tant que diocèse au patriarcat d'Alexandrie commencerait au IVe siècle, comme on a dit, par la conversion du royaume d'Aksum. En effet, ce n'est pas une histoire si linéaire que cela. Il y a eu plusieurs interruptions, mais cela se manifeste par l'élection de la part du patriarche d'Alexandrie d'un métropolite, donc un vicaire de la figure du patriarche, qui était choisi parmi les moines égyptiens, attention, et pas éthiopiens, dans les monastères d'Égypte. Souvent, on a pu identifier des moines qui venaient des célèbres monastères de Saint-Antoine près de la mer Rouge, ou alors du Wadi Natroun, qui est cette portion du désert entre le Caire et Alexandrie. Et alors, ces moines ordonnés évêques devenaient des métropolites, des représentants du patriarche. Ils étaient envoyés avec probablement une petite délégation de prélats coptes en Éthiopie. Et c'est là qu'ils exerçaient leur pouvoir en tant que chef de l'Église éthiopienne. Mais ils étaient quand même des étrangers. Bah oui, Anaïs Vion, on imagine que c'est quand même pas facile depuis Alexandrie de pouvoir imposer sa volonté sur ce qui se passe en Égypte. Oui, oui, tout à fait. Ils étaient parfois mis en difficulté. Il y avait tout d'abord des problèmes de langage. Il fallait qu'au début, il y ait des interprètes arabes pour faire en sorte qu'ils soient compris. Donc, il y a eu plein de cas de figure au cours de l'histoire, aussi bien des métropolites qui ont été très actifs avec une forte autorité à la fois politique et religieuse. Et il y a eu aussi des prélats qui ont été marginalisés. Et donc, il y a une structuration interne à l'Église éthiopienne qui permet que cette Église puisse aussi être une hiérarchie qui soit indépendante de la hiérarchie copte. Fascinante Éthiopie médiévale au carrefour des croyances. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Attaquer dans le cours de l'histoire sur France Culture. Quel plaisir. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau et Sam Bakias, avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Éthiopie médiévale. Cette Éthiopie médiévale, Anaïs Vion, qui est porteuse de fascination, on le sait bien, pour nous aujourd'hui, parce que c'est tout un monde à construire, à reconstruire. On l'entend, hein, beaucoup de déconstruction de cette histoire racontée par les uns et par les autres. Fascination également pour les contemporains avec un regard extérieur. Quel est ce royaume chrétien perdu là-bas quand on se trouve, je ne sais pas moi, à Rome ou à Paris ou à Londres au XIIIe, XIVe siècle? On le connaît. Ah oui, il n'était pas perdu pour tout le monde. Donc là, vous faites référence au mythe du prêtre Jean, qui est un mythe qui n'a pas du tout été construit par les Éthiopiens, mais qui a été construit par le christianisme occidental dans une recherche d'un royaume lointain en Inde, enfin, donc situé dans les Indes, qui aurait permis à une époque où l'ennemi c'est l'ennemi musulman de faire une alliance de tous les christianismes contre un islam perçu comme de plus en plus puissant et menaçant Jérusalem, enfin plus que menaçant Jérusalem d'ailleurs, présent à Jérusalem. Donc c'est vraiment un mythe actif, mais pas du tout pour les Éthiopiens en fait, plus pour les croisés et puis aussi d'abord les croisés et ensuite les missionnaires catholiques. Oui, l'idée d'un royaume chrétien éthiopien coupé du monde, presque oublié et qu'il faut retrouver, ça c'est à déconstruire. Et en soi c'est intéressant, l'idée qu'on a voulu imposer cette idée-là, ça donnait la possibilité d'une alliance lointaine. Martina Hambou, il y a des connexions très nettes. On l'a dit, par ces pèlerinages, les Éthiopiens ne sont pas des inconnus. Le patriarche d'Alexandrie s'en occupe. Mais une fois que l'Égypte devient musulmane, comment ça se passe en fait? Quels sont les blocages qu'a pu connaître l'Église d'Éthiopie? Il y a eu des moments où, en effet, c'était impossible pour les Éthiopiens de se rendre, de traverser bêtement le désert. Mais il y a eu aussi des époques, je pense notamment à la seconde moitié du XIVe siècle, où les relations avec le sultanat mamelouk, en fait, étaient plutôt bonnes. Il y a toujours eu cette menace plus ou moins présente dans la tête de mamelouk, d'une menace potentielle de la part du roi d'Éthiopie qu'il aurait eu le pouvoir de fermer la source du Nil, donc les priver de l'eau. Mais à part ce motif, c'est presque un topos, je dirais, historique qui traverse les époques jusqu'au 19e siècle. On a eu cette peur d'un roi qui allait fermer les sources du Nil. Et en fait, c'est au 14e siècle que, au contraire, les relations sont très très bonnes et des pèlerins traversent l'Égypte et non seulement la traversent pour s'arrêter dans les lieux saints de pèlerinage, où je pense il y a tout un circuit de pèlerinage lié à la fête de la Sainte Famille en Égypte. Et c'est dans ces sites, en fait, que les pèlerins s'installent comme communauté éthiopienne à part entière, qui vivait avec d'autres communautés, les communautés coptes, mais aussi les communautés arméniennes, géorgiennes et syriaques. Dans ces sites, on commence à avoir donc une sorte de constitution de centre cosmopolite, où l'on parlait probablement l'arabe comme langue commune, comme lingua franca, mais où chaque communauté étrangère avait son autorité, sa portion physique du monastère. J'ai eu l'occasion de travailler avec une collègue qui s'appelle Perrine Pilette, qui est spécialiste des corpus copto-arabes, où on a pu découvrir un petit corpus de documents bilingues en éthiopien et en arabe, qui sont en fait des documents liés à la gestion de ces monastères pluriconfessionnels, où l'on parle d'affaires internes, à la gestion de la cession, par exemple, d'une portion du monastère de la part des Éthiopiens à une famille de laïcs. Et c'est dans ces sites importants pour l'Égypte copte que les Éthiopiens commencent à avoir vraiment une présence assez importante. Mais il ne faut pas se départir complètement de ce que nous connaissons, notamment ici, du monachisme en Occident. Mais c'est un autre système. Anaïs Dion, il y a vraiment de cela. C'est l'étude d'un monde qui est proche, puisqu'il est chrétien, mais qui est autre, parce qu'il est lié à plusieurs croyances, plusieurs communautés. D'où la nécessité d'inventer une cohabitation dans certains monastères. C'est autre chose, en fait, ce monde chrétien que ce monde occidental chrétien. Les Éthiopiens ont dû inventer quelque chose. Ah ben oui, tout à fait. Ils ont leur propre liturgie, leur propre langue liturgique et leur propre mythe politique, notamment. Ils font descendre les dynasties royales de Salomon et de la reine de Saba. Et donc l'histoire, brièvement, c'est que dans la Bible, il est attesté que la reine de Saba, qui est une reine du Sud, donc son origine n'est pas précisée dans la Bible, va à Jérusalem pour rencontrer Salomon parce qu'elle veut connaître sa sagesse. Et des traditions orales de l'ensemble, en fait, du bassin oriental à l'époque médiévale font naître donc raconte et brode sur cette rencontre et font naître un fils de la rencontre entre Salomon et la reine de Saba. Et pour les Éthiopiens, ce fils, né en Éthiopie, retourne à Jérusalem rencontrer son père. Son père est absolument émerveillé par la beauté et l'intelligence de ce fils éthiopien et le couronne roi sur Israël. Mais en fait, ce jeune homme veut être roi sur l'Éthiopie, et donc il repart en Éthiopie en emportant avec lui l'Arche d'Alliance, avec bien sûr, c'est une volonté divine, et les 12 premiers-nés des 12 grands dignitaires d'Israël, et il est à nouveau couronné roi en Éthiopie, et il reçoit à nouveau l'onction, qui est un rite très important pour la royauté sacrée, en Éthiopie. Et c'est à partir de ce mythe-là que les Éthiopiens, probablement dès le XIIe siècle, estiment qu'ils possèdent l'Arche d'Alliance et qu'ils sont les vrais héritiers de David et Salomon. Il y a des communautés juives en Éthiopie dès lors? Alors, il y a aussi oui, effectivement, on pourrait penser que c'est un christianisme qui est très important, pour qui l'Ancien Testament est très important, mais il y a eu des communautés juives en Éthiopie, mais on n'a pas de traces avant le XIVe siècle. Donc c'est pas forcément un judaïsme très ancien. Il y a encore un petit peu de travail à faire, mais en tout cas pour le moment, ça remonterait pas avant le XIVe siècle. Donc c'est probablement deux choses différentes. Enfin, en fait, l'origine du judaïsme en Éthiopie reste encore sujet à débat aujourd'hui. Avec l'Arche d'Alliance que l'on peut voir, enfin, on peut pas la voir parce qu'elle est... On ne peut pas voir, justement. Non, justement, elle est préservée, tellement préservée, mais elle se trouve en Éthiopie. Elle est où exactement? Alors, elle est à Aksum, justement. À Aksum, oui, Anaïs Bion, que vous connaissez si bien, avec quelque chose au-delà de la force symbolique. Donc, l'histoire que vous nous avez racontée, la reine de Saba, le roi Salomon, leur fils Ménélique, l'Arche d'Alliance en Éthiopie, légitimer ici une longue histoire chrétienne, peu ont été aussi loin, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que le récit qui est porté ici, de la part des souverains éthiopiens, c'est d'une solidité sans nom dans un récit de légitimation. Alors, le topos de la Nouvelle Jérusalem, c'est quelque chose que beaucoup de christianismes ont utilisé, instrumentalisé. Ce qui est intéressant dans le cas éthiopien, c'est la longévité, en fait, de cette construction mythologique et politique. Moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon travail sur Aksum, c'est de montrer que au-delà de ce mythe continuiste de l'histoire chrétienne éthiopienne, on pouvait historiciser chacun de ces éléments. Donc essayer d'historiciser la construction du mythe, l'arrivée de l'Arche d'Alliance à Aksum, le rituel du sacre à Aksum, et essayer de voir des périodisations, des évolutions, pour au final faire l'histoire de la ville et essayer de faire l'histoire de ses habitants et sortir un petit peu de l'histoire politique et très par le haut. Oui, histoire politique et religieuse, parce que l'ensemble est mêlé. Dire politique, c'est dire aussi religieux, mais c'est oublier toute une autre histoire qui s'écrit au même moment. On est sur un grand carrefour de commerce, par exemple, à Aksum. Alors, pas tout à fait. Les grandes voies commerciales, elles passent un tout petit peu plus à l'est. Mais il y a quand même une route qui passe par Aksum et qui est la route qui relie la mer Rouge et le Soudan. Mais c'est plus une route de pèlerinage, en fait, Aksum. Route de pèlerinage et puis lieu de résidence du pouvoir. Et ce qui veut dire pouvoir dit argent par la fiscalité. Alors, tout à fait. Alors, lieu de résidence du pouvoir, c'est très intéressant et j'y reviens un petit peu. Le pouvoir est quand même très itinérant. Ce qu'on décrivait tout à l'heure après la lecture du texte de Alvarez, c'est qu'il y a une longue habitude de l'itinérance en Éthiopie et que le pouvoir royal, même s'il a construit des capitales à certains moments de son histoire, a toujours, à certains moments de l'année, été itinérant. Et Aksum n'est qu'un des relais de son pouvoir. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à Aksum, on vivait une population urbaine et une élite à la fois sociale et religieuse. Et donc, ce sont ces personnes, ces habitants qui étaient là à l'année, et non pas le pouvoir royal, qui ont réussi à maintenir vivante une histoire de ce site sur le temps long. Oui, parce que c'est ce temps long qui est intéressant, et on l'a bien dit, avant le christianisme, il y a une histoire déjà qui nous conduit dans la profondeur du temps avec cette Égypte, cette Éthiopie reliée toujours à l'Égypte. Martina Ambou, on évoque l'itinérance du pouvoir, ce qui est quelque chose d'assez classique globalement. Pour les monastères, eux, on les imagine fixes parce que les moines ne sont pas censés bouger. Ils sont fixes. Alors qu'ils le sont, oui. Voilà. On peut avoir des moines qui résident dans ces monastères, comme évoqué tout à l'heure, et il y en a d'autres qui sont des moines errants. Donc, qui peuvent voyager d'un monastère à l'autre pour des raisons spirituelles, mais aussi pour la transmission du savoir. Dans les hagiographies du XIVe, XVe et XVIe siècle, on peut lire notamment dans les hagiographies produites par un réseau monastique en particulier, qui sont les Ostatéens, qui était un mouvement un peu persécuté quand même par le pouvoir royal au XVe siècle, jusqu'au milieu du XVe siècle, ces moines-là, voyager en empruntant vraiment des itinéraires fixes, des itinéraires savants entre plusieurs centres monastiques, notamment pour aller consulter les ouvrages qui étaient conservés dans des importantes bibliothèques. Donc c'est des ouvrages qui peuvent être composés de façon originale en anglaise, comme des ouvrages qui sont issus de traductions, donc du grec vers le gaze à l'époque aksumite, et de l'arabe vers le gaze à l'époque médiévale. Et donc c'est cette itinérance aussi des moines qu'on peut voir dans les textes qui sont produits par eux-mêmes, qu'on peut voir, oui, effectivement, cette caractéristique du christianisme éthiopien. Voilà. Qu'en est-il des moniales ? Parce que la question se pose, nous parlons des moines, mais les moniales. Notre roi Saïfa Arad, notre métropolite le père Salama et le gouverneur Belem Sagada ont légiféré pour nous, tous les moines de la terre d'Éthiopie, que nous résidions dans l'ordre sans mouvement avec les moniales et que les moniales ne se mélangent pas avec les moines. Et maintenant, écoutez. Frères moines du lieu saint de Mata, nous avons légiféré pour vous que le lieu de Mata interdise qu'une moniale rentre et touche avec sa main, sauf quand elle puise de l'eau pour les moines, afin que vous soyez sauvés du péché et purifiés des saletés. Et maintenant, si quelqu'un fait entrer une moniale dans ce lieu de Mata, qu'il soit moine, prêtre, diacre, gouverneur ou quelqu'un du peuple, abbé ou trésorier, qu'il soit excommunié à cause de ce commandement qui serait transgressé pour les siècles des siècles. Maïwenn Gizu qui nous lisait cet extrait d'un édit royal et confirmé par le métropolite. On est au milieu du XIVe siècle. Martina Ambou, bon, déjà, on voit cette longue histoire de la domination masculine sur les femmes ici, mais alors c'est vraiment l'impureté de la femme, c'est l'absolu, mais on apprend malgré tout qu'il y a des moniales. Tout à fait. Alors ce texte, je dois dire que je l'ai traduit dans le cadre de ma thèse, et au début c'était assez intéressant de voir comment les moniales sont traitées. Alors, il faut dire tout d'abord que l'histoire du monachisme féminin en Éthiopie est pratiquement inconnue. Donc, il y a tout un travail à faire que j'espère pouvoir mener dans les années à venir. Et c'est un document, disons le deuxième édit royal que je puis identifier, concernant l'activité féminine. Si dans un édit qui le précédait 150 ans auparavant, où un roi, le roi Lalibela, du coup, donnait des terres à des moniales, une autorité très particulière à une abbesse, c'est dans cet édit où les moniales sont complètement exclues de monastères masculins. Ce qui nous fait penser que peut-être il y a eu tout un tas de variétés de monastères où la discipline était différente. Il y avait probablement des monastères où les moines et moniales vivaient ensemble, des monastères qui étaient des monastères doubles, c'est-à-dire séparés mais sous la même autorité d'un abbé, donc femmes d'un côté et moines de l'autre, et d'autres qui les excluaient complètement. Donc ce dernier cas de figure, c'est celui qu'on peut identifier dans les monastères septentrionaux qui avaient des caractéristiques un peu plus rigides, une ascèse assez compliquée, rigide, dure. Et c'est l'autorité du roi accompagné par le métropolite, comme vous avez dit, c'est le métropolite Salamanque, grand homme politique en fait de la seconde moitié du XIVe siècle, qui impose cette séparation. Probablement issu de d'une vision très pessimiste et négative de la figure de la femme, souvent liée aux règles, aux menstruations, qui était considérée par la culture éthiopienne, chrétienne et aussi judaïque, hein, parce que même les Bêta Israël excluaient les femmes, notamment pendant la période des règles, et qui associaient la figure de la femme à la figure de la saleté. Saleté physique, c'est-à-dire que les femmes ne pouvaient pas salir l'eau de leurs mains, mais qui devaient continuer à être les moines, et en fait, saleté aussi spirituel dû à la nature même de la femme comme pécheresse. Et Anaïs Yon, il y a du boulot encore, mais alors il y a tout. Les sujets sont là, les sources sont là, toutes ces thématiques, et c'est ce qui est passionnant dans cette vivacité de la recherche, en l'occurrence ici sur l'Éthiopie médiévale. Il y a énormément à dire, mais l'histoire est incroyable. Plus d'histoire à déconstruire. Oui, tout à fait. Mais sur l'histoire des femmes, il y a quand même des petites avancées. Il y a notamment les travaux de Margot Herman, qui est maîtresse de conférence à l'INALCO, qui travaille depuis assez longtemps sur l'histoire des femmes. Et voilà, elles sont là, elles sont dans les sources, que ce soit les femmes de pouvoir ou les moniales. Ce qui est le plus difficile à faire aujourd'hui, c'est vraiment l'histoire du peuple et l'histoire de ceux qu'on voit le moins dans les sources, hommes et femmes. Mais on va y arriver petit à petit. Bah, vous êtes en train de le faire et vous êtes aujourd'hui dans le cours de l'histoire pour nous donner l'envie, et vous réussissez d'étudier cette Éthiopie médiévale, parce que c'est fascinant, au-delà des manuscrits sensationnels ou des bâtiments qui nous impressionnent. Il y a tant et tant à faire, et notamment auprès des plus modestes. On les oublie, c'est vrai, souvent dans les sources, mais les sources sont là malgré tout. Merci vivement à toutes les deux, Martina Ambou, Anaïs Vion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment circulait-on dans les Alpes à l'époque romaine? Pour reconstituer le réseau des voies et des chemins à l'époque romaine, les historiens doivent nécessairement conjuguer différents types d'approches. La principale consiste à se plonger dans les écrits de l'époque, mais ils peuvent aussi étudier les cartes anciennes et modernes, car les tracés médiévaux ont souvent repris en partie les tracés antiques. Les enquêtes archéologiques sont également d'un grand secours, car la prospection sur le terrain permet de retrouver et d'étudier des sections de voies taillées et des vestiges de ponts en pierre, voire même des inscriptions évoquant le nom des fêtes propres aux muletiers qui jouaient à l'époque romaine un rôle essentiel dans le transport des marchandises. La combinaison de ces différentes approches a été mise en œuvre pour étudier l'histoire du col de Montgenèvre, situé dans les Alpes du Sud, à l'époque romaine. Ce col fut l'un des principaux points de passage pour la voie domitienne, construite à partir de 118 avant Jésus-Christ. Et c'est par cette route que Jules César pénétra en Gaule, en 58 avant Jésus-Christ. La voie du Mont-Genèvre, praticable en toute saison, constituait en effet le lien terrestre le plus fiable pour les relations de Rome avec la Gaule et l'Espagne. Lorsqu'il entreprit la conquête des Alpes, en 25 avant Jésus-Christ, Auguste passa une alliance avec Marcus Julius Cotius, le roi Celto-Ligure, qui contrôlait le col de Montgenèvre. Pour le remercier de lui avoir facilité le passage, Auguste choisit de le laisser à la tête de son domaine ancestral, tout en lui attribuant un statut privilégié de préfet militaire romain, avec autorité sur l'ensemble des territoires traversés par le réseau routier du Montgenèvre. C'est de là que vient le nom d'Alpes Cottiennes, toujours en vigueur aujourd'hui. La province des Alpes Cottiennes, qui succéda à la préfecture à partir de l'an 66 de notre ère, connut pendant les deux siècles de paix romaine une réelle croissance économique. Même si les relations commerciales entre la Gaule et l'Italie s'opéraient essentiellement par voie de mer, le trafic transalpin prit une importance grandissante car il concourait à l'approvisionnement de ces énormes marchés que représentaient Rome et les villes d'Italie du Nord. L'intégration de cette région alpine dans l'Empire et l'amélioration du réseau de communication stimulèrent l'exploitation des ressources locales. Parmi les produits de l'élevage vendus en Italie ou à Rome, la laine des Alpes méridionales est souvent citée par les textes de l'époque. Il en est de même des cuirs et des peaux, dont les Romains faisaient une très grande consommation pour l'habillement et le matériel militaire. Réciproquement, les ressources tirées de la vente de ces produits permirent aux paysans des Alpes d'importer des produits en provenance du monde romain. Mais à partir de 260, la province des Alpes cottiennes et son réseau routier furent directement concernés par l'irruption des populations germaniques dans l'Empire romain. Plusieurs trésors monétaires trouvés dans la région suggèrent que les Alamans pénétrèrent en Italie par le col du mont Genèvre. Ce fut le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la circulation des hommes dans le monde alpin. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Toscane Vudès, Mathieu Copal et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.